L'important pour bien commencer la journée, ce n'est pas de se lever du bon pied, mais c'est d'oublier la journée qui nous attend. Mickaël à la radio. Détendez-vous. Vous êtes sur un nuage de 6h à 9h30 sur Fun Radio. Anthony qui est là maintenant. Bonjour Anthony. Salut Mickaël. Salut à toi Anthony. Ouais, salut. Comment ça va? Ça va très bien et toi? Bah ça va bien aussi, hein, tranquille. T'es apprenti dans la vente Anthony? Ouais, tout à fait. Bon, et tu vends quoi? Tenez-vous à Jambou, donc je suis assortisseur, vendeur et conseiller animalier. D'accord, ok. Et c'est où à Jambou, tu dis? Ouais. D'accord, ok, très bien. Parce qu'on on sera pas à Jambelon, on sera à Templou, pas ce dimanche, mais dimanche prochain, on va sauter en parachute. Ah bah c'est bon, ça va. Et la bonne nouvelle, c'est que la semaine prochaine, vous allez pouvoir gagner votre saut en parachute avec nous. Ah, c'est cool. Et donc ça c'est cool, vous allez pouvoir sauter. Yaktov qui va pas sauter. C'est dommage parce qu'il y aura des filles, il pourra pas sauter avec des filles, tu vois. C'est dommage. Ouais, mais c'est pas grave, j'ai envie. Et puis de toute façon, pourquoi il saute pas? Bah parce que. Je ne peux pas. Et voilà, il peut pas. Ah oui, c'est ma religion me l'interdit. Ouais, la piscine. C'est ça. C'est ça. Bon, Anthony, on va jouer ni oui ni non, ni vous verrez bien. Le but, ne pas dire oui. Ne pas dire non et en revanche arriver à faire dire oui ou non à Aline et ne pas dire le petit mot en plus. Et aujourd'hui le petit mot en plus c'est du. Ouais, du, ouais. D-U. Exactement. D-U, on ne peut pas dire du. D'accord Anthony? Ok, pas de soucis. Bon, eh ben c'est parti. Une minute donc pour faire tomber Aline. Je compte sur toi. Elle a échoué hier lamentablement. Ouais, bah c'est oui. Vraiment lamentable. C'était lamentable ah, hier. Oui, c'était honteux. Scandaleux. Allez, on y va, c'est parti Anthony, bonne chance. Anthony. Merci. Je t'écoute. Comment tu vas? Moi, ça va très bien, et toi? Très très bien, également. Que vas-tu... Sûr. Tout à fait. Que vas-tu faire aujourd'hui? Bonne question. Je vais sûrement aller à l'école, hein. Et toi, qu'est-ce que tu vas faire de bon? Je ne vais rien faire. Rien de mieux. C'est bien comme d'habitude. Tout à fait. As-tu mangé un petit déjeuner ce matin? Pas encore. Que vas-tu manger? Ou boire? Bonne question. Bonne question. Et toi, que vas-tu manger? Ou qu'as-tu mangé? Je n'ai rien mangé encore. C'est mal, bouh. T'en es sûr? Tout à fait. Je suis sûre de tout ce que je dis. Elle a pas mangé, mais elle a pas mangé, mais elle a picolé. Hein. C'est ça, quoi. Ah ouais, bah, t'as dit oui! J'avoue. Ouais. Oh là là, une nouvelle. Et encore une défaite. Oh là là, Anthony, tu as gagné. Tu as gagné, Anthony, parce qu'Aline est mauvaise. Mauvaise, mauvaise, mauvaise. Qu'est-ce qu'elle est mauvaise? Je la suivais déjà sur la libre antenne avant. Oh, mais elle était encore plus mauvaise avant, Anthony. Elle était encore plus mauvaise. C'est-à-dire que maintenant, elle a un peu évolué, mais vraiment pas grand-chose. Une cacahuète, quoi. Pas du tout, pas du tout. Ah ouais, ouais. Sur un an, elle a juste pris un an de plus, quoi. C'est tout. Parce que sinon, en termes d'évolution. Tu mets pas de la tête. Oui. Oh, celle-là était pas mal. Ça fait rigoler, Mickaël. Ah oui, j'ai beaucoup aimé celle-là. Ah ouais, je pense à la replacer. D'ailleurs. Voilà, Anthony, les applaudissements du public. Bon, Anthony, bravo, tu repars avec l'iPod, tu restes au standard, on prend tes coordonnées, d'accord? Pas de soucis. Allez, salut Anthony. Salut. Elle était sa phrase là. Oui, c'était pas mal. Excellent. C'est excellent. Tous les matins, 6h, 6h30, c'est le replay de Mickaël à la radio sur Fun Radio. Fun Radio. Tous les matins, Morning Show. Réveillez-vous avec Mickaël. Alors, heureuse? Mickaël à la radio, tous les matins, 6h-9h30, sur Fun Radio. Fun Radio. En attendant, évidemment, la ligne anti-relou, les meilleurs messages laissés sur le 0473-86-0013. On écoute le premier message. Bonjour Pascal, donc bonjour. J'appelle au sujet de votre annonce pour savoir vos tarifs et prestations, éventuellement un rendez-vous. Merci, à bientôt. Mais oui, un petit rendez-vous pour avoir les tarifs, pas de problème, plaisir. Nous on va transmettre. Deuxième message. Oui, Elodie. Bon, essaie de nous rappeler. Jamais rien de perdu dans la vie. Ouais. Bisous. Je pense que elle, tu l'as perdu. Hein. Voilà, parce qu'il n'y a jamais rien de perdu, mais je pense que elle, quand même, malgré tout, ça risque d'être compliqué pour toi. Enfin, moi, je dis ça, après, je dirais. Tous les matins, 6h, 6h30, c'est le replay de Mickaël à la radio sur Fun Radio. Fun Radio. Mickaël à la radio, le réveil le plus sympa de la bande FM. Mais qu'est-ce que j'en ai à foutre? Si vous trouvez plus sympa ailleurs, Fun Radio vous rembourse deux fois la différence. Fun. J'oublie, non, c'est quand même dramatique, ça. Question existentielle. La question existentielle, on va appeler à Airnage, mais pourquoi faire? Eh ben parce que ce matin, je me suis demandé si broyer du noir, c'était raciste. D'accord, ok, très bien. Ah oui, on avait appelé Overaze, mais ça s'était pas bien passé. Oui, je... Elle allait téléphoner à la police, hein, un petit peu comme d'habitude. Je comprends pas. Bah oui, je sais pas non plus. Pourquoi les gens veulent appeler la police comme ça à chaque fois? Bon, allez, on compose, on va à Airnage maintenant, on va voir si de ce côté-là, on a plus de chance. Direction Airnage. comblé, hein, monsieur. Le téléphone est tellement lent. Enfin, le standard est tellement lent. Allô. Allô. Oui, bonjour, monsieur. Oui, allô. Oui, allô. Voilà, en fait, je vous appelle, j'avais une petite question à vous poser. Dites-moi. Oui, voilà, en fait, je me demandais, est-ce que les gens qui broient du noir peuvent être considérés comme racistes? Vous êtes fou ou quoi? Mais pas du tout, monsieur, pourquoi vous me dites ça? Vous avez vu leur filet? Bah oui. Et en fait, donc voilà, moi je vous appelais parce que je me posais la question. Ah mais il a raccroché, hein. Bon, bah voilà, donc ça c'est fait, on va le rappeler. Je comprends pas, pourquoi il dit que je suis fou? Bah non, je sais pas, peut-être l'heure, je sais pas, on va savoir. Peut-être, peut-être. Bon allez, on rappelle. Retour à un âge. Allô? Oui, excusez-moi, on a été coupé, vous n'avez pas répondu à ma question. Ce qui serait bien, c'est que tu téléphones avec un numéro privé pour qu'on sache qui tu es exactement, quoi, tu vois ce que je veux dire? Oui, bah je suis Toff, en même temps je peux me présenter. Je crois que t'es vraiment un enculé de téléphoner. Mais monsieur, enfin ça se fait pas de dire des choses comme ça. Allez, je te jure, donne-moi ton nom et ton adresse et je te jure, je viens chez toi t'expliquer comment il faut, ça va? C'est vrai? Ouais, bah, vous venez avec le petit déjeuner ou pas? Oui, bien sûr. Alors, donc c'est 33, oui. Avenue Télémac. Oui. Donc c'est à 1190 Bruxelles. C'est bien. Voilà. Donc je vous attends pour le petit déjeuner. Oui, tu t'appelles comment, Cécile? Je m'appelle Toff. Ça va, impeccable. Voilà. Hein, je vous mets du café à chauffer, je vous attends. C'est une blague, radio. Ah. Bah, il est con parce qu'il avait trouvé, il donnait le nom c'est de la radio. C'est une blague, c'est pas une radio. Mais oui, il donnait le nom de la radio. Mais ça se trouve, il aurait gagné un cadeau. Mais oui, bah non, mais je te le dis, s'il avait donné le nom de la radio, s'il avait dit ah c'est fun, ma bande de cons, machin, on lui aurait filé un truc. Mais non, il a préféré se raccrocher au nez lui-même, c'est dommage. Tous les matins, 6h, 6h30, c'est le replay de Mickaël à la radio sur Fun Radio. Fun Radio. Mais c'est bien connu, hein. Boire ou conduire, il faut choisir. Surtout. Oui, bah ouais, j'ai choisi, ouais, hein. Ouais, je fais les deux en même temps. Ouais, je roule sur le toit. Je roule sur l'information. Oui, je roule sur le toit. Je surfe. Ouais, et donc, boire ou choisir, il faut conduire. Boire ou choisir, il faut conduire. Oui, ah, c'est pas possible. Boire, j'ai pas dit ça. Oh. Qu'on découpe. Non, on découpe rien du tout. Boire ou choisir, il faut conduire. Bon, soit. Et donc, quand c'était un message de la sécurité routière. Moi, j'abandonne, je me casse. Donc, quand on pilote un bulldozer, il faut quand même être assez méfiant, surtout quand on a un petit verre dans un petit couvert. Moi, je veux plus vous expliquer, vous m'énervez, vous mettez la pression. Donc, du coup, quand on pilote un bulldozer, il faut se méfier. Et un homme originaire de Russie a complètement embouti cette voiture garée avec son bulldozer. Heureusement, les passants sont intervenus parce que sinon ça aurait pu être encore pire. Personne n'a été blessé. Par contre, l'homme a été arrêté et emmené à l'hôpital parce qu'il s'est quand même blessé, évidemment, en fonçant dans cette voiture avec son bulldozer. Évidemment. Donc voilà, bah, c'est si normal, vous conduisez un bulldozer, si vous êtes bourré, faites attention. Mais oui, boire ou choisir, il faut conduire. Je tiens à rappeler. Un blocage sur ce truc, je tiens à rappeler ce nouveau slogan de la sécurité routière, voilà, évidemment. Voilà. Mais oui, bien sûr. Tous les matins, 6h, 6h30, c'est le replay de Mickaël à la radio sur Fun Radio. Fun Radio.